Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de La fiancée américaine qui est un livre d'Éric Dupont. Je suis tombée sur ce livre alors que j'étais à la FNAC avec Maman C. Évidemment je cherchais toute autre chose, hein. Je n'étais pas venue pour des livres, mais bon, on s'est laissé attirer par le rayon livre et sur les rayonnages, il y avait notamment mis en évidence ce gros livre, effectivement il a 920 pages, donc évidemment il a attiré mon œil, qui est apparemment... le livre phénomène du Québec, il a été prix des libraires du Québec en 2013. Je crois que c'est le premier livre québécois que je lis, donc déjà ça m'a attirée, et puis j'adore les sagas familiales, donc un deuxième point bonus pour avoir envie de lire ce livre. Le troisième point étant que c'était un pavé, et que donc j'allais avoir de la lecture pour un certain moment. Alors... qu'est-ce que ça raconte ? Bah, au final, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce qu'il n'y a pas une histoire forcément très cohérente, c'est surtout une épopée sur plusieurs générations, on va dire sur trois générations à peu près, 3-4. Et c'est les morceaux de vie des différents personnages de ces différentes générations. Donc il y a différentes parties racontées avec des styles complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plutôt des lettres, sinon on a une narration, on va dire, plus traditionnelle. Ensuite il y a une narration à la première personne quand c'est l'histoire d'une vieille dame qui est racontée, comme si elle racontait elle-même. Donc voilà, différents personnages, différents styles. Alors au final j'ai trouvé que c'était assez étrange comme livre, je pourrais pas dire que j'ai aimé, que je le recommande, etc. Non, c'est surtout que il a piqué ma curiosité, voilà. Ça pouvait paraître long, il y a des moments où je me suis dit, mais bon, de quoi est-ce que ça va parler ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que l'auteur décide de m'emmener ? Mais au final, j'ai trouvé que c'était un peu barré, et puis j'avais envie de voir comment les événements s'imbriquent les uns dans les autres. Comment tout ce qui nous est raconté va au final avoir un sens, chaque chose va tomber bien à sa place. Et c'est ça en fait qui m'a donné un peu la dynamique de lecture que j'ai eue. Voilà, bah écoutez, plutôt donc intéressant. Si vous ne connaissez pas les auteurs québécois, je ne sais pas si c'est totalement typique, hein, y a une partie qui se passe en Europe, une partie qui se passe au Canada. C'est assez drôle quand il retranscrit des paroles, quand il retranscrit, on va dire, des phrases en essayant de donner le ton canadien. L'accent canadien dans ses phrases, l'accent québécois. Et ça c'est assez drôle. Voilà, donc une saga familiale, une vraie épopée. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on n'y reste pas indifférent du tout. Je vous le promets. Bah, merci de m'avoir écouté. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau petit mini-podcast de lecture. Bonne journée !